Chu Wang-hwan, chercheur supérieur de l'Institut du désarmement et de la paix du ministère coréen des Affaires étrangères, a publié le 13 janvier un commentaire titré « Conséquences lamentables de la diplomatie servile ». Il a écrit notamment « Les fantoches sud-coréens troublés à l'extrême sur le plan politique par le scandale de Park Geun-hye et de Choi Soon-sil sont pressés par les puissances voisines sur le plan diplomatique ». Plié devant la pression des États-Unis, ambitieux d'occuper toujours la Corée du Sud pour réaliser la stratégie de domination en Asie-Pacifique, Park Geun-hye a décidé en juillet dernier la disposition de SAD des États-Unis en Corée du Sud et les actuelles autorités sud-coréennes accélèrent sa disposition. De ce fait, la Corée du Sud est devenue l'avant-poste nucléaire, la base avancée de surveillance nucléaire des États-Unis et en même temps la première cible d'attaque des pays de la région. Pour renforcer la collaboration militaire avec le Japon, les fantoches sud-coréens avaient conclu à la fin de 2015 l'accord qui couvre le crime de l'esclavage sexuel au service de l'armée japonaise, moyennant une certaine somme d'argent. Indignés de la diplomatie servile de Park Geun-hye et de sa bande, les habitants sud-coréens ont installé récemment la statue de fillette devant le consulat général japonais à Busan, et le Japon exerce une pression sans précédent sur les autorités sud-coréennes sous ce prétexte. À présent, les fantoches sud-coréens se trouvent entre l'enclume et le marteau à cause des puissances qui visent la suprématie stratégique en Asie-Pacifique. Devant la diplomatie qui essuie une insulte inouïe, les presses sud-coréennes ont déploré en écrivant comme ce qui suit. Dès le début de la nouvelle année, la diplomatie sud-coréenne est devenue l'objet d'expositions de colère. Elle est méprisée par la Chine, le Japon et les États-Unis aussi. La Chine traite la Corée du Sud comme une partie de son territoire. Trump ne prend pas la Corée du Sud en considération. Même au cas contraire, elle n'est pas au premier rang. La Corée du Sud est devenue le tambour que les grandes puissances comme la Chine, le Japon, les États-Unis et la Russie battent comme elles veulent pour leurs intérêts. L'actuelle situation de la Corée du Sud évoque le sort misérable de la dynastie féodale coréenne qui était le jouet des puissances à cause de la servilité et de l'incompétence à la fin du 19e siècle et qui a fini par être occupée par l'impérialisme japonais. La situation lamentable de la Corée du Sud est le corollaire inévitable de la diplomatie servile de Park Geun-hye qui a joué le rôle de laquais des États-Unis et qui s'est attaché à la dépendance à l'égard des forces extérieures et à la confrontation fratricide. Face à la situation sud-coréenne et à la réalité rigoureuse aux environs, nous éprouvons à nouveau de la fierté du fait que nous suivons de pied ferme la voie invariable de l'indépendance, de Sun Gun et du socialisme, quelles que soient les circonstances et le changement des rapports voisins. Dans notre pays, le fatalisme lié à la géopolitique est devenu une histoire du passé, et notre République est devenue une puissance nucléaire et militaire de l'Orient qu'aucun ennemi puissant n'ose toucher. À l'avenir aussi, notre armée et notre peuple s'opposeront à la pression des impérialistes et des dominationnistes, maintiendront fermement l'indépendance, défendront par nos propres forces la paix et la sécurité de l'État et contribueront énergiquement à la paix et à la stabilité dans le monde.